Bonjour mes frères et sœurs, et nous sommes encore ce matin dans le chapitre 4 et nous allons terminer cette partie sur le repos que Dieu offre. Et nous allons voir qu'à la fin de ce dialogue sur le repos, l'auteur amène un deuxième avertissement de jugement ou de condamnation. Mais commençons par la prière, si vous voulez bien. Notre Père du ciel, nous avons besoin de toi pour sonder nos cœurs et nos reins. Nous avons besoin de ton esprit pour nous montrer, nous convaincre de péché, de justice, de jugement. Seigneur, nous connaissons tous des hommes et des femmes qui ont œuvré pour toi pendant des décennies pour finalement abandonner la foi. Rejeter tout cela et se tourner vers l'idolâtrie. Ô Seigneur, c'est ma prière que par ton Esprit Saint, tu puisses sonder nos cœurs, tu puisses nous montrer la réalité de nos vies chrétiennes. Donc, ce matin, je vais prendre le temps de résumer chapitres 3 et 4. Parce qu'il faut comprendre ce que nous allons lire ce matin dans chapitre 4, versets 11 jusqu'à 16. Il faut comprendre ça dans son contexte. Souvent, j'ai vu ce texte-là être utilisé au chapitre 4, versets 11 jusqu'à 16, hors contexte. C'est pas nouveau, hein? On voit ça souvent. Je l'ai fait aussi, je suis pas mieux que les autres. Parce qu'on... On avait été élevé, j'étais élevé, puis j'étais habitué à prendre des petits versets un peu partout, puis d'en faire des slogans chrétiens. Et souvent, ce texte-là a été utilisé pour d'autres raisons que le but que l'auteur avait ici de l'utiliser. L'auteur parle d'un repos. Le repos de Dieu. Dieu a créé le monde, ça l'a pris 6 jours, et le 7e jour, il se repose, et l'homme, à ce moment-là, est invité à se reposer avec Dieu. Adam et Ève étaient invités à vivre avec Dieu dans ce paradis et jouir du repos de Dieu. Donc, on le voit en relation avec Dieu, à parler avec Dieu, jouir de Dieu, si je peux le dire ainsi, et servir Dieu et d'adorer Dieu pendant ce temps-là. Vivre dans le repos de Dieu. Comme on sait, le péché est entré dans le monde, et après ça, ça a été le chaos. Les difficultés, la souffrance, les peines, les douleurs, la mort, les meurtres, les vols, les viols, tout ce que vous voulez. Après cela, Dieu a emmené son peuple en Égypte, 40 ans, 400 ans, excusez, de difficultés, de souffrances, de dur labeur en tant qu'esclavage. Dieu pourvoit d'un homme sous le nom de Moïse pour les délivrer et leur donner le repos en terre promise. On a vu ensemble qu'ils n'ont pas voulu y entrer par incrédulité, par désobéissance. Ils n'ont pas voulu croire que Dieu était capable de leur donner ce repos-là. Ils ont vécu pendant 40 ans dans le désert, et ils sont tous morts là, excepté Caleb et Josué, et la génération qui était née pendant ces 40 ans-là, les moins de 20 ans et les nouveaux enfants, eux autres ont rentré dans le pays de Canaan. Mais c'était pas de ce repos-là que Dieu parlait d'une façon plus profonde, si je peux dire ainsi. Parce que on a vu hier qu'au temps de David, il parle d'un autre repos. Un repos qui venait bien plus long, bien plus tard que le pays de Canaan, parce que c'était passé depuis des centaines d'années déjà. Dieu, au temps de David, promet encore un autre repos. Et c'est ce repos-là que Jésus vient emmener. Un repos spirituel, parfait. Un repos qui amène l'être qui y croit, qui y adhère, dans une position où est-ce qu'il se sent devant Dieu, qu'il se voit devant Dieu, totalement libre de servir Dieu d'adorer Dieu et de louer Dieu. Il n'a plus à faire quoi que ce soit parce que tout a été accompli par Jésus-Christ. On voit que tout au long de ce repos-là, il y en a qui ont été incrédules à ce repos-là et qui l'ont rejeté. Il y en a d'autres qui ont cru et qui y sont rentrés. Il y en a qui sont rentrés dans le premier repos, d'autres qui sont rentrés dans la terre promise, il y en a qui sont rentrés dans le repos qu'offrait la loi, hein? La loi offrait aussi un repos dans ses sacrifices d'expiation, offrait aussi un repos. Et là, le repos que Jésus est venu amener, il y en a qui y ont cru, y ont adhéré. Et nos auditeurs, nos lecteurs de l'Épître aux Hébreux, eux autres maintenant, pour des raisons diverses, ils remettent en question ce repos-là qu'a emmené Jésus. Et l'auteur a dit, dans le chapitre 3 et dans le chapitre 4, si vous rejetez cela, vous n'entrerez pas dans le repos de Dieu, et Dieu est en colère contre vous, et il va vous rejeter. Rejetez Moïse, Dieu va vous rejeter. Rejetez les prophètes, Dieu va vous rejeter. Rejetez Jésus-Christ, et Dieu va vous rejeter. Rejetez l'enseignement des apôtres, et Dieu va vous rejeter. Maintenant, il dit, l'auteur dit, je vous encourage à vraiment vous arrêter et de vous examiner. Êtes-vous dans le repos de Dieu ou non? Et c'est là que vient le chapitre 4, verset 11, que nous allons lire ensemble, si vous voulez bien. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Car la parole de Dieu est vivante, efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant Dieu, mais tout est à nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Donc l'auteur ici dit au verset 11, Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos. Il s'inclut là-dedans, l'auteur. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos. Donc c'est quelque chose dans lequel on rentre, puis on rentre, puis on rentre, puis on rentre. Il dit, Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos. Cachons-nous, c'est quelque chose qu'on fait aujourd'hui, continuellement, jour après jour. C'est pour ça que je dis souvent des fois des gens qui disent, mais c'est aujourd'hui le jour du repos. C'est aujourd'hui. C'est pour ça que l'auteur dit, entrons dans ce repos. Entrons dans ce repos. C'est comme si on pourrait dire, je renouvelle chaque jour ma foi dans ce repos. Dans cette aide qu'on appelle Jésus-Christ. Dans cette croix que je dis être le moyen par lequel Dieu a fait expiation de mes péchés. Je entre dans ce repos. Je confirme, je réaffirme ma foi chaque jour, si je peux dire ainsi. Afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Tomber. Et d'ici, vous n'entrerez pas dans ce repos, si vous jouissez pas de ce repos jour par jour, si vous continuez pas dans ce repos, vous tombez. Le mot tomber, c'est on parle de tomber dans la perdition, tomber loin de Dieu. Par le même exemple de désobéissance. Si vous faites comme ceux au temps de l'Ancien Testament, ben il dit, vous ne rentrez pas dans le repos de Dieu, et Dieu est irrité contre vous, et c'est sa colère qui vous atteint. Puis là, il va emmener le verset 12 jusqu'au verset 16, que moi j'appelle un avertissement très, très sérieux. Il dit, car, Pourquoi je vous encourage à entrer? Pourquoi je vous encourage à, je pourrais dire, vous consacrer à Dieu ou réitérer votre foi que vous aviez depuis le commencement, de vous réengager, si je peux dire le mot comme ça. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. Pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et miel, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Donc, il dit, car la parole de Dieu juge les pensées les plus intimes de l'être humain. Vous ne pouvez pas vous cacher, verset 13. Vous ne pouvez pas vous cacher devant Dieu. Dieu connaît le cœur de chaque personne. Et c'est devant lui que nous vous faut nous rendre compte. L'auteur ici, encourage ses auditeurs à dire, pensez-y bien, réfléchissez bien, examinez-vous comme il faut. Pour voir si vous n'êtes pas sur une voie de perdition. Voir si vous n'êtes pas en train de vous détourner de Dieu maintenant. Considérez bien ce que vous êtes en train de faire. Nul n'est caché devant toi. J'ai toujours été un peu surpris et, je pourrais dire, un peu apeuré que des hommes et des femmes que j'ai connus qui ont été convaincus pendant des années, ils ont été convaincus pendant des années qu'ils étaient croyants. Ils ont agi, parlé, fonctionné comme des croyants. Personne n'avait vu pendant 5 ans, 10 ans, 20 ans, 30 ans. Et finalement, un bon matin, il se lève et il renie tout cela. Il rejette tout cela. Ou il change tout cela. Oui, on est sauvés, mais il commence à changer des choses. Il commence à transformer l'évangile de Christ en autre chose. Et finalement, ils ne sont plus là. Ils abandonnent l'évangile. Don Carson parlait, il dit, d'un homme qu'il a connu, moi je n'ai pas connu, puis il a pas, je pense qu'il n'a pas donné son nom. Il disait qu'il avait connu un homme, lui, qui était, selon Don Carson, un des plus bons prédicateurs qu'il avait jamais vu. Pendant des années, il a prêché l'Évangile et des milliers ont été sauvés, et des milliers ont été édifiés par son enseignement. Et à un moment donné, il se lève et se déclare homosexuel, abandonne sa femme et sa famille et part et ouvre une église où est-ce qu'il enseigne qu'il faut apprendre à voir l'homosexualité comme un autre choix et que c'est correct de vivre avec un autre homme, et c'est correct de se marier avec un autre homme et abandonner la foi. C'est pour ça que, frère et sœur, c'est que souvent je dis aux gens, n'appuyez pas votre salut sur quelque chose que vous avez fait il y a 30 ans. Ne dites pas, moi je suis sauvé, j'ai été sauvé à telle année, en arrière. Là, puis, c'est jamais bon, selon moi, je dirais, de se fier sur quelque chose de passé pour savoir si on est chrétien ou pas. C'est aujourd'hui que je dois m'arrêter et me dire, est-ce que moi, je suis entrer dans le repos de Dieu. Est-ce que ma foi que j'ai aujourd'hui est-elle basée sur la foi prêchée par Jésus, proclamée par les apôtres? Est-ce que ma foi, c'est celle-là que j'ai aujourd'hui? Si vous me permettez, je me fous de la foi que j'avais il y a 30 ans et de la foi que je vais avoir dans 30 ans. C'est aujourd'hui, pour moi, qui est important. C'est aujourd'hui qui est pas important pour moi. Quelle foi est-ce que j'ai, moi, aujourd'hui? Verset 14. Ainsi, puisque nous avons un grand sacrificateur, souverain sacrificateur, qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Il dit, vu que nous avons un souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, qui est venu sur la terre, qui s'est fait homme et qui est mort pour nous, et c'est lui qui fait le lien entre Dieu et nous, c'est lui qui nous met en contact, c'est lui qui offre le sacrifice parfait qu'on va voir au chapitre 10, si je ne me trompe pas. C'est lui qui nous met en contact avec Dieu, qui nous fait rentrer à travers le voile et qui nous met dans la présence de Dieu. Demeurons fermes dans cette foi-là. Gardons notre foi ferme dans ce personnage de Jésus qui est notre souverain sacrificateur, qui a offert un sacrifice parfait pour nous. Verset 15, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre de péché. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Je crois ici que l'auteur fait référence, il ne parle pas de mes besoins matériels, financiers, il ne parle pas de mes besoins monétaires, de santé, familiales, c'est pas ça qu'il parle ici. Parce que le contexte, c'est des gens qui ont des difficultés, il dit, regardez votre sacrificateur qui est Jésus-Christ. Lui aussi a été tenté. Il en a déjà parlé au chapitre 3. Lui aussi a été tenté, mais il a résisté. Il est allé jusqu'au bout, il est mort pour vous. Afin que vous deveniez le temple de Dieu, la maison de Dieu, que vous rentrez dans le repos de Dieu. Il dit, regardez ce sacrificateur-là. Et approchez-vous du trône de la grâce. Et afin que d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Donc, approchez-vous de Dieu avec Jésus-Christ. Parce que si vous approchez pas avec Jésus-Christ, allez-y pas, vous allez vous faire détruire. Mais il dit, approchez-vous par Jésus-Christ. Avec l'assurance que donne la grâce et la miséricorde. Et vous allez obtenir miséricorde. Vous allez trouver la grâce de Dieu. Approchez-vous du trône de Dieu à travers Jésus-Christ, par son sacrifice. Parce que si vous approchez du trône de Dieu par la loi, vous êtes fait à l'os, vous allez crever. Vous allez être détruit. Vous n'allez pas trouver du repos, vous allez trouver la colère de Dieu. Parce que vous avez rejeté son fils Jésus et son sacrifice parfait. Voyez-vous, ça fait du sens dans l'ensemble. Mais si je détache ce texte-là, puis je dis, mais maintenant, c'est là. Combien de fois j'ai entendu ces textes-là dans les réunions de prière, puis dire, ah, je m'approche du trône de la grâce, approchons-nous du trône de la grâce, et Dieu va pourvoir nos besoins, parce que... C'est pas de ça que ça parle ici. L'auteur met en garde les Hébreux de s'approcher de Dieu d'une autre façon que par Jésus-Christ. De s'approcher de Dieu par la loi ou par les sacrifices, qui était le moyen dans l'Ancien Testament, à travers d'autres sacrificateurs. Mais il dit, le vrai sacrificateur, le grand sacrificateur, l'unique sacrificateur, qui nous peut nous permettre d'entrer dans la présence de Dieu, et de jouir du repos de Dieu, et d'adorer Dieu, et de servir Dieu, c'est Jésus-Christ. Il va en parler plus loin. Ça vient là. Il va venir avec cela. Que ce sacrificateur-là, il est unique, et son ministère est unique. Père notre céleste, que par ta parole, tu sondes nos cœurs. Tu sondes nos cœurs. Chaque jour que tu fais, qu'on puisse toujours réaliser, croire, vivre par la foi sous la grâce de Dieu. Qu'on ne croit jamais qu'on va gagner des galons ou qu'on va obtenir des réponses à cause qu'on fait des œuvres quelconques. On s'approche de Dieu par la foi au trône de la grâce, pas au trône des mérites, pas au trône de l'obéissance, mais au trône de la grâce. Et on obtient miséricorde et grâce. Aide-nous, Seigneur, à rester attachés à la foi que nous avons reçue de Jésus et des apôtres.